Bien-aimés, la fin approche. Du moins, la fin de l'année liturgique. Alors, elle approche à grands pas, et déjà, dimanche prochain, nous fêterons la grande fête de la royauté du Christ, le Christ roi de l'univers. Cette fête, c'est le prémisse, pour nous, du jugement dernier, le grand jugement final qui adviendra à la fin des temps. Vous savez qu'il y aura une fin des temps. Alors chaque année, juste avant d'entrer dans l'Avent, c'est-à-dire d'entrer dans le temps où nous nous préparons à l'avènement de Jésus, au dernier avènement, eh bien, l'Église nous fait méditer sur cette fin des temps. Et pour ce faire, eh bien, cette semaine, cette année, elle nous demande encore de nous rendre à Jérusalem, comme la semaine dernière, à l'ombre du Temple. Alors, les disciples du Christ n'en finissent pas de s'extasier devant la beauté des pierres, la splendeur du Temple, le lieu saint par excellence. Ce lieu, c'est le signe de la grandeur et de la puissance du Dieu d'Israël. C'est la fierté du peuple juif. Ah, notre temple. Tout notre peuple est fondé sur ce temple. Eh bien, c'est notre fierté à nous aussi, cette église, notre temple, le temple du Lavandou. Hein, elle est magnifique, notre église. Regardez avec ses fresques sublimes. Elles sont vraiment sublimes, ces fresques. Et on peut s'extasier devant la beauté de cet endroit. Vous voyez, il y a même de l'or. Enfin, c'est superbe. Et c'est notre fierté à nous, et d'ailleurs, nous devrions en parler plus souvent. Regardez, allez voir notre église, elle est sublime. Hein? Et nous devrions, quand nous sommes dans la rue avec nos frères et sœurs qui ne viennent jamais, mais venez voir cette église, au moins venez la voir, et vous allez peut-être rencontrer celui qui y habite. Mais voilà, le temple de Jérusalem, comme notre église, est fait de pierre. Alors notre église, elle est faite de béton surtout. Et comme tous les temples, eh bien, ni le temple de Jérusalem, ni notre église ne sont à l'abri d'être un jour détruits. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est certain, absolument certain, un jour ou l'autre, le temple de Jérusalem, notre église, comme tous les temples et comme toute œuvre de mains humaines, il n'en restera pas pierre sur pierre. Bien-aimés, ne nous en déplaise, il faut nous rendre à l'évidence. Notre église Saint-Louis, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la basilique Saint-Pierre de Rome, la Bonne Mère de Marseille, le Temple de Jérusalem, il arrivera un jour où il n'en restera rien. Les hommes auront beau maintenir, restaurer, rebâtir sans cesse, rien n'y fera, tout ce qui fait la fierté des hommes, qui manifestent leur grandeur aussi, tout ceci passera avec tout le reste. Bien-aimés, un jour, le monde va cesser. Le monde que nous connaissons va disparaître. Tout ce que vous voyez autour de vous, il n'en restera plus rien. Et c'est ce que notre Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui, pour que nous cessions de mettre notre confiance, notre foi, nos assises, nos racines dans les choses temporelles qui sont, par définition, temporaires. Si belle et noble soit-elle, et tout cet héritage qui est bon et que nous devons aimer parce qu'il nous a été inspiré par Dieu, n'est que temporaire. Nous avons médité à la Toussaint sur la vie sans fin, la vie après la mort. Et j'espère qu'aujourd'hui, à présent, nous désirons tous, du plus profond de nous-mêmes, vivre pour toujours, et qui plus est, vivre dans la béatitude éternelle. D'ailleurs, si nous n'avions pas ce désir de trouver un jour le bonheur sans fin, nous ne serions pas ici ce matin. Eh bien, pour que notre vie n'ait pas de fin, il faut qu'elle soit bâtie, qu'elle soit enracinée, fondée sur quelque chose qui, elle aussi, n'a pas de fin. Il nous faut absolument un fondement inébranlable, un fondement éternel, un autre fondement que les choses de la terre. Ce fondement, vous l'avez bien compris, il n'y en a qu'un seul qui soit possible. Le seul fondement éternel possible, c'est l'amour de Dieu. Il faut que notre vie soit bâtie sur l'amour de Dieu. Saint Paul le dit très clairement dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, fameux chapitre que vous connaissez. L'amour ne passera jamais, jamais. Tout sera dépassé, même les dons de Dieu qui nous fait, tout cela sera dépassé un jour. Mais l'amour, et ici l'amour parle, Saint Paul parle clairement de l'amour de Dieu, cet amour ne passera jamais, jamais. Pensez donc, frères et sœurs, lorsque nous verrons toutes nos églises s'effondrer, lorsque nous verrons le monde disparaître, puisque nous le verrons, peut-être pas avec les yeux de chair, mais les yeux de l'âme, si nous sommes déjà au ciel, nous verrons tout ça disparaître. Tout va disparaître. Il restera l'amour. Or Jésus sait, et il connaît le cœur de chacun de ses disciples, et il voit parfaitement toutes les parties de nos âmes et de nos vies qui ne sont pas encore abandonnées à l'amour de Dieu. Toutes ces parties de notre être qui s'appuient encore trop sur des choses temporaires et qui risquent fort de nous causer bien des tourments, soit dans le présent, sur la terre, soit dans le futur. Alors il y en a un qui a peur de manquer, qui va engraisser son compte en banque, les yeux rivés sur l'inflation et sur le cours de la bourse, persuadé de trouver le salut dans sa fortune, qui peut pourtant disparaître en un instant, c'est tellement fragile. Un autre a tellement besoin d'amour humain qu'il va dépenser tout son temps, tout son argent, toute son énergie à séduire et qu'il va se jeter à corps perdu dans des relations superficielles, des relations sans lendemain, des relations avec des créatures. Alors celle-là aussi va passer son temps à se ronger les sangs dès que ses enfants s'éloignent de quelques mètres. D'autres ne dorment plus la nuit, tourmentés par des angoisses si profondes qu'ils en ignorent même jusqu'à l'origine. Ça, c'est pour tous ceux qui mettent leur confiance à l'extérieur d'eux-mêmes, dans les choses de la terre, et il ne faut pas chercher bien loin, frères et sœurs, pour se rendre compte qu'il y a un peu de ça chez chacun d'entre nous. Enfin, des nuits sans sommeil, ça arrive à tout le monde. Mais il y a pire, pire chez celui qui au contraire pense vivre à l'abri des tourments et qui se persuade d'avoir trouvé ici-bas déjà le bonheur en ne se souciant que de sa petite personne. Alors par sécurité, pour ne se soucier de lui que de lui, il a fermé à double tour son cœur et il croit pouvoir dormir longtemps à point fermé sur ses deux oreilles sans se préoccuper ni de Dieu, ni des hommes, ni de rien. Juste de lui. Il est persuadé que tout est parfaitement en ordre dans sa vie, mais il ne voit pas qu'il manque à tous ses devoirs de charité envers Dieu et même envers son prochain le plus proche. On voit des époux, des épouses qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui n'ont pas même un regard sur leur conjoint. On voit même des parents qui n'ont pas un regard pour leurs enfants. Ça, c'est terrible. Ces gens-là ont fait leur choix uniquement en fonction d'eux-mêmes et de leurs petits plans égoïstes. Mais ils ne voient pas arriver les grands tourments qui sont réservés aux orgueilleux pour l'éternité et qui commenceront dès ici-bas dans l'angoisse terrible de la solitude. Frères et sœurs, ni ceci ni cela n'ont fondé leur existence sur Dieu. Les premiers mettent leur foi dans des choses créées et les seconds mettent leur confiance en eux-mêmes. Eh bien, ni ceci, ni cela, ni les uns, ni les autres ne sont assurés qu'au jour où tout passera, eux aussi ne passeront pas avec tout le reste. De leur existence, elle aussi, il ne restera probablement rien, puisqu'elle était fondée sur des temples périssables. Mais au contraire, il y a ceux qui auront véritablement accepté jour après jour, malgré les combats, de remettre leur vie dans les mains de Dieu, petit à petit, progressivement, devant les épreuves de toutes sortes qui jonchent la vie humaine, les maladies, les trahisons, les déceptions, les échecs en tout genre, et particulièrement dans la vieillesse, qui sert précisément, frères et sœurs, les épreuves de la vieillesse servent précisément à préparer les âmes au moment où il faudra qu'elles s'abandonnent totalement à l'amour. Ces gens qui ont choisi d'utiliser à ce moment, dans ces épreuves, leur intelligence à bon escient, c'est-à-dire de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul fondement solide, et donc de jeter tous leurs œufs dans les paniers de l'amour de Dieu, de verser toutes leurs larmes dans les réservoirs de la miséricorde, ces gens-là, devant l'épreuve, la douleur et l'angoisse, ont appris à répondre par la foi, avec cette petite prière que Jésus lui-même nous a enseigné par sainte Faustine et que nous ferions bien de répéter sans cesse. Jésus, j'ai confiance en toi. Parfois, nous disons plutôt « Jésus, j'ai confiance en moi ». Mais Jésus ne nous a pas appris cette prière. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ces âmes-là, frères et sœurs, les âmes des abandonnées à Dieu, épreuve après épreuve, échec après échec, ils auront appris à échouer comme il convient, c'est-à-dire à échouer sur les rivages de l'amour de Dieu, comme on échoue après un naufrage. Échouer dans les bras de Jésus et de sa mère. Eh bien, notre Seigneur Jésus nous dit ce qui arrivera à toutes ces âmes abandonnées à Dieu. Ils n'auront plus besoin de se préoccuper de leur défense lorsque, au moment de l'épreuve finale, le diable, l'ennemi, viendra les persécuter de mille manières pour les arracher à la puissance de Dieu. Ils auront fondé leur vie sur Dieu. Alors Dieu leur donnera une sagesse, un langage, une force à laquelle aucun adversaire ne pourra résister ni s'opposer, pas même la mort. Pour cela, tous les temples pourront s'effondrer, même l'Église pourra paraître tombée en ruine, les amitiés s'éloigner, les persécutions se multiplier, les tempêtes tout emporter, les tremblements ébranler la terre, les incendies dévorer l'univers. Ils auront fondé leur existence sur le seul temple qui ne pourra jamais disparaître. Puisque ce temple, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, l'amour incarné. Jésus mort, Jésus ressuscité, vivant éternellement. Et qui nous dit, à nous qui cherchons à fonder notre vie sur lui seul, mes enfants bien-aimés, dans toutes les tribulations que vous avez à traverser, toutes, absolument toutes les tribulations, parce que c'est à ce prix qu'on apprend l'abandon, l'amour véritable, ces tribulations que je permets, je vous le dis, et croyez-moi, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, pas même un cheveu qui a racine dans votre tête, qui a racine dans mon amour. Mais c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.